gens sont moins gros, et ils sont surtout moins sots. Ils ne passent pas leur journée à parler de la météo. Et s'en aller au loin, se perdre dans le foin, s'arranger pour en faire. Il y a moins de sous.